Des gamins mal élevés, des vélos volants, un extraterrestre en plastique. Cette semaine, on a maté E.T. l'extraterrestre et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Tu me fais plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Barbara, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir les garçons. Michael, c'est toi qui tousse. Ah oui, c'est moi. Bonsoir Antoine, bonsoir Barbara, bonsoir Greg. Bonsoir. Et Greg, salut. Salut. Cette semaine, nous sommes réunis pour parler de E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg, sorti en 1982, de 115 minutes, avec Dee Wallace, Henry Thomas, Peter Coyote. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Je veux le garder avec moi. En 2002, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg revient dans les salles de cinéma, partout. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Téléphone à sa maison. Comme vous ne l'avez encore jamais vu. Avec des effets visuels intensifiés. Des scènes inédites. Et un son numérique remasterisé. Au printemps prochain, faites le voyage. Qu'est-ce que t'attends pour démarrer ? Allez, en route ! Vivez un grand moment d'émotion. Je sais pas vraiment ce qu'ils ont pu faire pour rattraper le coup là, puisque t'as beau mettre un son numérique, un beau machin, au bout d'un moment, bah. C'est vrai que j'ai une bonne nouvelle, la version qu'on a vue, c'est celle de 2002 remasterisée quoi. Ah oui. Ah bon ? Je n'ose même pas imaginer celle de 82. Oh là quoi. Là. Bah non, mais celle de 82 est mieux apparemment. Enfin, c'est quoi, moi j'ai les meilleurs souvenirs de celle de 82 en tout cas. La différence entre les deux ? Genre, il est en 3D, je crois. Ouais, E.T. il est en 3D, d'ailleurs, c'est super moche. Et puis surtout, il a la voix de. Il a été doublé, je pense, par la gamine de l'exorciste. Ouais, il est doublé par Jeanne Moreau, tu sais. J'ai cru qu'il allait dire baise-moi, baise-moi. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui est marrant dans la bande-annonce. E.T. il fait E.T. téléphone. Et le gamin, il fait E.T. Genre, il a automatiquement traduit de l'anglais. Bon, tu fais. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames, Barbara, pour commencer? Oh, moi, j'ai adoré. C'est vrai? Ouais, vraiment. Parce que ça faisait un milliard d'années que j'avais pas vu ce film-là. Un milliard, c'est beaucoup. Au je moins. Je pense que tu exagères. Enfin, je voudrais pas m'avancer, mais. C'était dans ma vie d'avant. Et non, ça faisait hyper longtemps. Je me souvenais vite fait de l'histoire, mais avec moi. Mémoire de poisson, c'était pas ça. Et j'ai passé vraiment un bon moment, quoi. Dans mon souvenir, il y avait une histoire de voiture qui voyageait dans le temps. Alors, c'est un aventurier avec un chapeau et un lasso. Mais... c'est ouais, on n'est pas loin. Moi, hein. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment un bon moment, quoi. Ouais, ouais. Michael, on va aller en décrescendo, je crois. Écoute, moi, je suis hyper embêté parce que du coup, j'ai pas pu voir le film à cause de mon bibliothécaire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, déjà, j'étais surpris, il connaissait pas ici. Alors je lui ai dit, bah c'est facile, tu sais, c'est le film avec l'extraterrestre qui se paume, qui squatte une maison et qui vide le frigo. Du coup, il m'a filé Alf. Ceci étant, j'ai bien aimé revoir putain, ce c'est film. Presque un bon résumé du film, Mika. Quoi. Ouais, on gardera ça comme résumé. Pour une fois, je réussis à résumer. Tu vois. Moi, j'ai quand même bien aimé. J'avoue que... Bon, j'ai pas été trop ému, parce que tu vois, je suis un bonhomme, mais à la fin, quand même, je peux... Ah, c'est vrai que c'est émouvant, un gamin qui sert un truc en plastique. C'est mignon, quoi. Moi, je l'avais vu une fois, enfin, quand j'étais vraiment haut, mais du coup, je m'en rappelais pas du tout. Et ben là, j'étais bien déçu, parce que l'histoire est vraiment... Enfin, l'histoire, il y a rien qui tient. Enfin, je trouve que ça tient pas, quoi. Je trouve bah ouais, déjà, les extraterrestres, un, ça existe pas. Déjà, un extraterrestre, ça existe pas. Deux, les vélos qui volent, ça existe pas. Les quoi ? Les vélos qui volent, ça existe pas. 3. Franchement, si t'imagines un extraterrestre et qu'il a cette tronche-là, c'est un peu nul, je trouve. Quoi. Oh non. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse un point anatomique, Kitty, quoi. Parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Moi, j'avais la cassette, évidemment, quand j'étais petit. Ouais. C'est vraiment pas celui que j'ai le plus vu. Hein. Franchement, j'ai dû le voir deux fois un gamin. Ouais. Et là, je l'ai revu. C'était un. Franchement, j'ai trouvé ça long, je trouvais ça un peu chiant. Et pourtant, moi j'aime bien Spielberg et tout, mais là, putain, il est trop moche quoi, E.T. Oh mais non, il a un truc qui j'arrive même pas à comprendre comment les gens ils ont pu le trouver attachant, mais il est dégueulasse. Mais c'est parce que justement, il va au-delà des apparences, Antoine. C'est ce qu'il a dans son cœur. Non mais à un moment, même sa peau, elle a l'air dégueu. Le truc, ah, vraiment, je pense qu'il est froid, à mon avis. Il n'est pas très agréable de toucher, je pense. C'est pire qu'un poisson. Hein, c'est comme un... En plus, il y a du mucus sur lui, tu sais, comme un vieux poisson. Je sais pas s'il y en a qui font la pêche. On le voit pas trop, mais tu sais, entre les prises, il y suit la bouche, mais il bave beaucoup. Hein. Puis il pue terriblement. Ouais, juste avant de commencer, j'ai une petite anecdote parce que moi, en fait, j'ai découvert E.T. grâce à mon prof de CM1, figure-toi, qui était fan complètement d'E.T., qui était un très bon prof, mais qui était à moitié zinzin. Et si tu veux, dans notre salle de cours, toute l'année, au lieu d'avoir les tables les unes derrière les autres, on était en haut, en cercle. Toutes les tables étaient les unes à côté des autres. Et au milieu, il avait monté deux tables avec le satellite du film E.T. qu'il avait reconstitué lui-même. Oui, ça devait être vraiment un bon prof. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'il attendait les extraterrestres. C'est-à-dire qu'un jour, il est revenu avec une chemise avec une seule manche. Je me suis dit, tiens, ça n'a pas bien être confortable. Tout ça. Non, mais il était vraiment zinzin d'E.T. et il adorait E.T. Il nous faisait croire qu'on allait vraiment converser avec les extraterrestres. C'est vraiment un bon prof. Je te conseille de reprendre contact avec lui, il a l'air drôlement sympathique. C'était magique, pourquoi pas. Qui résume l'histoire? Ça fait longtemps, Barbara, que tu nous as pas résumé l'histoire. Alors, E.T., il y a un extraterrestre qui arrive sur Terre, et en fait, il y a un petit garçon qui le retrouve, qui l'héberge dans son placard géant XXL blanc de sa chambre. Ouais. Par Airbnb, hein, c'était par une annonce. Hein. et puis, il se lie d'amitié, il s'aime finalement, et il tire rentre chez lui. Ok. Ah, oh, c'est un vrai résumé. Là, t'es allé droit au but. T'as exactement repris le résumé de la jaquette, non? C'est ce qu'il y a derrière. Maman, on peut louer, regarde le résumé comme ça, a l'air chouette. Le film s'ouvre sur une soucoupe volante qui arrive sur la Terre, donc pour prélever des échantillons, sans doute. Une première remarque, c'est qu'elle est moche. Oh non. Bah, alors là, putain, si la soucoupe volante ressemble à ça, tu leur dis, bon, bah, franchement, rentre chez vous, quoi. Non, mais t'as déjà vu une soucoupe volante belle? Pour moi, ça m'a fait penser un peu à la coupole Tu vois, avec des belles lignes, quoi. Non, mais attends, de la soucoupe. Non, mais t'as des soucoupes avec des lignes un peu profilées et tout. Ouais, mais c'est Star Wars, le caca métallique qui arrive par le coup. Mais attends, chacun ses moyens. C'est des pauvres extraterrestres, ils ont pas les moyens de s'acheter des Rolls de soucoupe volante. Ouais, surtout, elle est pas discrète. C'est-à-dire qu'ils allument les 14 000 lumières, ils ont des spots énormes, limite, ils appellent Batman, quoi. Et oui. Et puis en plus, par contre, je trouve que quand même le pilote. Faut savoir que pilote de soucoupe volante, c'est quand même 9 ans d'études, mais ça se comprend parce que le mec il atterrit dans une forêt sans se prendre un arbre. Hein. C'est vrai. Il est quand même assez costaud. Hein. Ouais, ouais. Après, c'est vrai qu'on se demande vraiment ce qu'ils viennent foutre là parce que quand tu vois après leur dégaine et leur intelligence, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont foutre sur une autre planète quoi, tu vois. Et comment ils ont développé cette technologie avec leurs trois doigts là, tu vois, c'est pas possible quoi. Ça, c'est un vrai point, je voulais le faire plus tard, on va être obligé de le faire maintenant, mais il faut faire un point sur la race d'E.T. Oui. Ils sont fat. Ils sont lents. Ah, ils sont très lents. Mais ils sont légers. Dégueulasses. Ils sont légers, il fait que 17 kilos. Bah, en tout cas, ils sont méga lents. Ouais, et comment ils ont réussi à développer une putain de soucoupe volante? Et surtout, une fois que t'as développé cette soucoupe volante, si tu veux rester discret, pourquoi t'atterris à 5 km de la plus grande ville des États-Unis, quoi? Qui te dit qu'il va être discret? Bah justement, c'est parce que dès qu'il y a des manos qui arrivent, ils s'en vont. Et E.T., il a bien compris que il veut pas se faire repérer. J'ai mis super bien, E.T. Il veut pas se faire repérer, quoi. Bah, surtout, la question, c'est comment ils ont pu découvrir une technologie aussi poussée, notamment les soucoupes volantes, et pas découvrir les habits. Parce qu'ils sont quand même. Les habits, c'est un truc qu'on va perdre. En plus, c'est con parce qu'ils auraient pu, avec leurs longs bras, ils auraient pu mettre des chaussettes sans se baisser. Quoi. Non, mais tu sais, c'est vraiment comme un paresseux, tu sais, c'est super lent, c'est moche, c'est. Enfin, tu vois, t'as vraiment pas envie de t'attacher à ce truc-là, quoi. Oui, je sais. Ça fait un peu peur, mais. Et même, poussons le truc jusqu'au bout. Imagine la planète des E.T., qu'est-ce qu'ils foutent, tu vois. Ils sont tous lents, ils sont tous. Enfin, tu vois, ils peuvent. Enfin, quand t'es lent comme ça, comme une planète de paresseux, tu vas pas construire une soucoupe volante et genre, tu vas avoir des envies de découvrir le reste du monde alors que t'arrives pas à aligner deux mots. Quand t'apprends l'autre langue, parce que là, franchement, vu leur vitesse, pour construire un vaisseau comme ça, faut 4 générations. Ah, quoi. Ouais. Le mec qui a mis la première pièce, il est pas prêt de décoller. Hein. Ah, on connaît pas la durée de vie d'un E.T. en même temps. C'est clair. Tu t'avances. Ah, c'est peut-être un vieux celui-là. Ouais. Ouais, je pense qu'il est vieux, il a la peau toute fripée en même temps. Alors on sait pas pourquoi, mais il y a déjà des manos à la poursuite du E.T. Ouais, ouais. Parce qu'ils ont... Mais ça se trouve, les jeunes sont beaucoup plus rapides. Ça se trouve, c'est un vieux E.T. Tu sens que l'homme n'est pas doux. Non. L'homme est déjà agressif. Ouais. Dans ce film, à part des extraterrestres et des petits enfants, les grandes personnes vont être assez chiantes. Ouais. Et alors du coup, les potes d'E.T., bon, bah, c'est un peu des bâtards parce qu'ils font wow, « vas-y, allez, manos, on décolle ». Et du coup, E.T. se retrouve tout seul. Ouais. Comme tout seul dans la forêt. Dans la forêt. Alors c'est ce qu'on se disait, hein. Tout le monde se l'est dit, genre c'est obligé, lui on fait une blague, vas-y, on laisse l'autre, vas-y on se casse, on laisse celui qui est le plus lent au monde, il va galérer. Ça se trouve, tu sais, il le déteste quoi, vas-y on décolle, franchement c'est chaud et tout, non mais il y a encore E.T. qui est dehors, vas-y décolle. Après t'as le capitaine, il fait, mais il est où E.T. là? Non, vous l'avez pas encore laissé sur une planète inconnue là. Ah, il va encore nous appeler là, téléphone. Il est trop con. Et alors surtout, il y a un truc qui est marrant, c'est que les mecs, ils arrivent, ils courent dans la forêt et tout, ils voient la soucoupe volante, genre de face, ils la regardent décoller et instantanément après, ils font « Bon, il est où le E.T. ?» Tu sais, genre, et personne ne réagit, quoi. Mec, vous venez de voir la soucoupe volante, enfin, t'es un peu sur le cul, je regarde décoller, ouais. Et après ça, hop, je continue la course. Ouais, poursuite, mais est-ce que c'est les mêmes que les SOS fantômes là qui viennent après dans la maison? Tu veux dire les cosmonautes de la NASA, en fait? Ouais. Bah oui, ils font des ratonnades le soir, quoi. Ils font des ratonnades d'extraterrestres, je sais pas ce qu'ils foutent. Enfin, je parle de la fin, mais il y a un mec qui parle au petit garçon et qui dit « Moi, je l'ai vu il y a 10 ans. » Mais non. Tu l'as regardé à quelle vitesse, toi? T'as encore regardé que des parents d'aide. T'es encore planté. Non, il dit « Depuis que j'ai l'âge de 10 ans, j'ai envie de les rencontrer. » Ah, mais moi, j'avais compris qu'il l'avait vu à l'âge de 10 ans et qu'il attendait ce moment depuis ses 10 ans, quoi. Est-ce que tu la regarderais en chinois, ce titre coréen? Non, j'ai regardé en français. Bon, bah en tout cas, eux, ils se barrent vu qu'ils ont laissé le petit là sur la planète. Prend le bas de combat, vu qu'il y a des humains, tout le monde se barre. Et il y a le E.T. qui reste tout seul. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, le E.T.? Parce qu'on sait pas ce qui se passe entre le moment où il est dans la forêt et au moment où il va se réfugier dans le KGB. Mais bon, il a forcément dû passer dans la ville. Et là, il s'est forcément fait cramer, tu vois. E.T. il est vraiment smart parce qu'il sait qu'il faut qu'il échappe aux êtres humains. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se réfugier dans une maison d'êtres humains. Non, mais il aurait dû attendre, tu vois, au même endroit. Ses parents, c'est ce qu'ils disent. Genre, si tu te perds, tu restes au même endroit, qu'on puisse venir te rechercher. Non, lui, il va dans un KGB, tu vois. Et le pire, attends, c'est un beau KGB. Hein. Ouais, mais au début, il est dans un KGB. Mais ce qu'il y a, c'est là, l'ellipse qu'il y a, c'est genre, comment il fait pour y arriver? C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où il traverse une route, quoi. Bah, tu vois, non, mais il prend carrément les transports en commun, et puis il achète son petit billet. Non, mais il y a forcément un moment où il se fait cramer dans la rue, genre, oh putain, il y a un gnome là, c'est chelou et tout. C'est pareil, il est poursuivi par les manos dans le bois, on va voir plus tard qu'il a le pouvoir de voler, bah, mec, décolle, fin des bails, quoi. Décolle, va dans l'arbre, fin. Bah ouais. Ouais, et ça, il le fait pas trop, hein. Mais en même temps, il est tellement lent que tu vois, si jamais il y avait une vraie. Si ça c'était réel, si ça c'était cohérent, s'il y avait une réelle course-poursuite, je pense qu'il aurait pas fait long feu, le petit dit, quoi. Alors, faut savoir que pour arriver à la remise de la famille, il met quand même 4 jours et demi, hein. Ah oui, mais ça fait tout l'ellipse. C'est à 30 mètres. Et du coup, et là, on découvre la famille. Donc, des gamins de 12 ans qui font une soirée poker. Mais qui sont hyper mal élevés, surtout. Ouais, quoi. Bah, qui fument d'ailleurs. C'est un truc d'enfant au milieu. On s'est dit la même chose. Ouais, moi aussi, ah, c'est de l'enfant. Ouais, c'est un truc. Bah, on sait pas ce que c'est. Non, mais en gros. Non, mais attends, ils font soirée poker. Alors, c'est pas qu'ils sont mal élevés, c'est qu'ils ont juste beaucoup trop de liberté. Ouais, on peut voir ça comme ça, c'est une manière de le dire. Mais juste quand tu dis va chier à ta mère, au bout d'un moment, je crois que c'est que t'es mal élevé. Ah, problème d'éducation, de toute façon. Non, mais ils parlent super mal à leur mère. Moi, ça m'a choqué. Moi, j'aime pas ça. Et ensuite, ils font la soirée poker. Il l'appelle par son prénom, c'est trop chelou. Il l'appelle tout le temps par son prénom, ouais. Exact. Ah bah moi, si je l'appelle différemment que mère, je me prends une. Non, mais c'est pareil, tu sais, genre ils font la soirée poker et tout, on a l'impression que ouais, ça y est, les parents sont pas là, on fait carton. Et là, la daronne, elle sort de la chambre, genre, ah, vous jouez encore au poker? T'es con, ouais, elle était où la mère? Parce qu'elle arrive en nuisette, enfin en peignoir, je sais pas. Elle bah était ça. Ce qu'on n'a pas aussi, c'est que le père est parti, donc tu vois, je sais pas on pourrait réimaginer un autre film où il y a E.T. qui arrive et il y a le daron qui est là. Il fait, non, mais vous me dégagez cette merde, là, c'est dégueulasse. Bah, surtout, à mon avis, s'il y avait eu un daron, il l'aurait dit qu'à coup de fusil, quoi. Ceux qui traînent dans le jardin. Parce que la daronne, tout le long, elle est super naïve. C'est-à-dire que, bon, bah, évidemment, il y a des scènes où elle le voit pas, elle passe devant, l'autre, il est derrière. Déjà, comment il est lent, tu peux pas passer à côté, quoi. Surtout, il doit fouetter. On oublie encore ce paramètre. Mais quand E.T. il est là, ça fait, putain, mais ça sent chelou, là. Donc ouais, s'il y avait eu un daron, le film se serait pas passé pareil. Et là, surtout, on entend du bruit dans le jardin. Ouais. Et là, l'intégralité des gamins, ils vont faire, ouais, il y a du bruit, on va voir ce que c'est. Ils prennent un schlass chacun. Ouais, bah, devant la daronne, ils prennent des couteaux de cuisine, mon pote. Ouais. Etchebest, ouais. Il a pas ça. Ils vont dehors et la daronne elle fait, ouais, allez-y, amusez-vous bien. Non, mais vous faites quoi? Vous avez 12 ans, prenez pas des couteaux. Ils envoient le plus petit chercher des pizzas en pleine nuit. Une pizza. Ils sont 14. Et là, c'est la peur puisqu'il y a la confrontation avec un animal de plastique. Moi, je trouve qu'on voit pas trop que c'est en plastique, ou peut-être que j'ai regardé la version 82. Je pense que c'est pire. Hein. Ouais, c'est la version 82. Non, moi, c'est, que vous étiez là, hashtag plastique, quand on parlait de l'enregistrement de ce soir, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder vraiment s'il est en plastique. Hashtag plastique, ouais, bah, d'ailleurs, il est recyclable ici, du coup. Bah, franchement, vu la longueur de son cou. J'espère qu'ils l'ont bazardé, hein, celui-là. Non, mais non, en mais plus. Moi, je ne pouvais pas trouver. Moi, j'ai, moi, je c'est vraiment bien fait, quoi. Moi, ça m'écœure encore plus quand il allonge son cou, là. C'est dégueulasse, quoi. Non, mais ça, c'est pareil, il le fait plein de fois au bout d'un moment. Franchement, il est dans la maison, tu dis, bon, arrête de faire ça, Iti. Arrête, c'est dégueu, c'est stressant. On t'a déjà dit pas faire ça avec ton cou là. Tu me mets tout le monde mal à l'aise. Ah, ton cou. Tu fais ça, je t'en mets une. Alors le gamin, comme il a croisé vite fait E.T., il veut absolument le re-retrouver. Ouais, donc du coup, il va dormir dehors sur une chaise longue avec une lampe torche. Alors, il a pas peur, il a pas froid, il a pas d'éducation, quoi. Non, mais sa mère est complètement. Mais par contre, il est un extraterrestre. Ouais. Bientôt. Il va bientôt le trouver. Alors, il fait la technique évidemment des Skittles, hein, c'est bien connu. Ouais, ouais. Pour attraper un extraterrestre en plastique. Des M&M's. Des Skittles ou des M&M's. Et là, E.T., bah, ça va marcher parce que il va aller le voir avec les Skittles pour lui rendre. Ouais, il lui va lui faire un petit chemin, tel le petit poucet. Oui. Et puis bon, bah ça prouve bien là, encore une fois. Quoi, mais ça. Il est complètement teubé, bah, genre voilà. Petit chemin des Skittles. Et deux secondes mais après, il construit une méga machine. Et après, il apprend une langue en deux heures. Mais par contre, il suit un chemin Snig. Ouais, voilà. Alors, ça, c'est complètement. Il est complètement con, ce truc. Non, c'est un besoin primaire, manger. Ouais, mais enfin bon, au bout d'un moment, quand on te fait un petit chemin Skittles, peut-être que je vais me faire niquer. C'est un piège, quoi. Et surtout, il arrive et il tend au gamin. Les Skittles. Alors le petit, j'espère qu'il les a pas mangés parce que là, c'est passé par Ricky. Parce que 20 minutes dans la main d'E.T., à mon avis, il doit te le filer, ça va être un peu chaud. Putain, ils sont tous de la même couleur, ils sont tous gris. Et là, il y a une petite phase rigolote où le petit va mettre le doigt sur son nez, et puis E.T. va mettre le doigt sur son nez, et puis après, machin, tu sais, il va l'imiter. Ouais. Ouais, moi, j'accepterai pas que ce machin. Mais en vrai, t'as un truc comme ça. T'arrêtes de l'imiter. Ouais, et ce qui est marrant aussi, c'est que justement, Spielberg, il voit bien que son truc est en plastoc, et du coup, à chaque fois, je sais pas si vous avez vu, il essaye de le planquer, donc il y a plein de fois où il y a un truc en amorce mais en premier plan. Mais c'est ça, il est dans la pénombre et tout, et tu vois pas que c'est du plastique. Bah, il a essayé de le cacher le plus possible, même des fois, à un bout d'un moment, quand il est sur le vélo, il met un truc sur la tête, un truc comme un rappeur, tu sais, lui. Ouais. Non, c'est trop pourri, mettez-lui un truc sur la tête. C'est un truc de gangsta. Mettez-lui un truc de gangsta. Des fois, il y a des peluches devant lui. Non, mais il essaye vraiment de le planquer. Il y a toujours un truc au premier plan pour le cacher, où il est toujours derrière la table, bah oui, la chaise, le machin. Bah c'est pour ça que c'est bien fait, non? Ouais. Bah en tout cas, le peu qu'on voit, c'est nul, donc heureusement qu'il l'a, heureusement qu'il l'a caché. Et alors là, c'est ça m'aurait pas étonné à un moment donné que la mère l'amène à la déchetterie, tout simplement. Maman, il est où, E.T.? Bah on s'en est débarrassé et puis ça commence à puer. Non mais le truc, il est tellement lent qu'au bout d'un moment, t'as l'impression qu'il est statique, tu crois que c'est vraiment un truc en plastique. Est-ce que c'est moche ce truc, je le bazarde. Non mais si vraiment il est en plastique, sa mère, elle doit croire que c'est un objet, mais il joue jamais avec ce truc-là. Et alors là, ensuite, c'est le lendemain matin. Et lui, il veut pas aller à l'école parce qu'il veut rester avec son nouveau copain. Ouais. Donc il fait croire à sa mère qu'il a 42 fièvres en collant le thermomètre à l'ampoule électrique. Ça, par contre, je m'en souvenais très bien. Ouais, parce que tu l'as fait plein de fois quand tu l'avais. Tu l'as tenté. Bah, je l'ai fait là au médecin du travail. Bizarrement, c'est pas passé. Non, non, là, c'est pareil. Hein, je m'en souviens bien de ce truc. Tu mets un daron dans le film, bah, le môme il va à l'école direct. Quoi, tu vois, son truc genre, mais vite fait l'ampoule sur la tronche, c'est bon, il a de la fièvre quoi, arrête les conneries. Non, mais surtout, en plus, tu vas. Et sa mère, son réflexe, c'est ah bah t'as 42 fièvres et t'as 6 ans. Bon, bah, tu vas rester tout seul là toute la journée. Bah, c'est un peu dangereux quand même. Et du coup, elle le laisse quand même dormir tout seul dans le jardin, donc. Elle a pas peur, quoi. Bah, c'est pour ça qu'il a 42 fièvres, il passe la nuit dehors. Bah, il lui dit d'ailleurs. Et ensuite. Toi, t'as passé la nuit dehors pour retrouver l'extraterrestre. Enfin, l'extraterrestre. Tu t'en souviens drôlement bien. En plastique, quoi. Je l'ai vu, moi je l'ai revu en fait, contrairement à vous. Et alors, il va en profiter pour montrer tous ses Gugus, tous ses G.I. Joe à E.T. Donc là, il lui montre des soldats qui font la guerre. Ensuite, E.T. et le chien, c'est pas l'amour. Non, mais là, il y a un maxi placement de produit, quoi. Coca, Pèze, machin, enfin. Ah oui, Pèze, il est vraiment vénère parce que le petit, il dit même la marque, il fait quoi. T'as vu ça? Ça, c'est des Pèze. C'est super bon. Tu peux en manger plein, tu seras jamais malade. C'est encore meilleur que les Skittles. Et ça, c'est un écolobe à légumes. Tu peux économiser, et puis c'est tous les légumes sans te couper. Non, mais c'est vraiment abusé, quoi. Tu sais, il fait, regarde, tu peux les recharger comme ça et tout, et à la fin, ça fait. Et après, t'entends Pèze, ta nanana. Jingle. Et là, le frère, il rentre du sport. Et là, le petit gamin, je sais plus comment il s'appelle, il veut montrer à son frère. Elliot. Elliot, ferme les yeux, bam bam, machin. Et ensuite, c'est la sœur. Et la sœur, ça va la faire un peu dérailler. Elliot, regarde ce que j'ai fait pour toi. Ah ah Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, tu veux parler de ma chambre? Non, non, du garage. Non, je parle du truc là qui est là dans le placard dégueulasse. Là. Mais qu'est-ce qui pue? T'as vomi dans ta chambre ou quoi? Oui, c'est ces étagères au mur, Elliot. Et range-moi tous ces jouets. Allez, range-moi tout ça, Elliot. C'est parti. Et le truc qui pue aussi. Alors, à noter quand même que dans ce film, les placards font 55 mètres carrés chacun. Non, mais ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Que le placard est plus grand que la chambre. Exactement. Ouais. En fait, il dort dans le placard depuis le début, le gamin. Bah, mais ils s'endorment tous au moins une fois dans le placard. Hein. Non, par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le pour être tout à fait franc avec vous, la chambre d'Eliott et la chambre de sa petite sœur, qui est jouée par Drew Barrymore, j'ai oublié de le dire, oui. Et ben, elle communique par ce placard, donc il partage ce placard, ce très grand placard, avec sa sœur. C'est une sorte de placard précis sur le deux placard, chambres c'est en même temps. Hein. D'accord, voilà. C'est des chambres d'enfilade, quoi. Oui, ouais, d'accord. D'accord. Alors, deuxième point, E.T., c'est-à-dire que lui, c'est censé être genre un petit peu l'élite de sa planète, parce que c'est lui qu'on envoie en explorateur. Bon, ça, on revient sur les mêmes trucs. Hein. L'élite, oui, c'est un scientifique, en fait, du coup, c'est un scientifique ouais, de là-bas. Et du coup, le scientifique, il se retrouve avec un môme de 8 ans qui lui montre les jouets et les machins et qui lui apprend strictement rien du tout. Il dit, ouais, je pense que je suis sur une bonne piste, là, je vais apprendre beaucoup de choses. Sachant qu'il a vu une ville entière et que lui, il est enfermé dans un placard, il se dit pas, faut quand même que j'aille chercher des infos pour savoir comment vit cette société, et lui, il reste dans le placard d'os. Ouais, puis ça se trouve, on n'en sait rien, les E.T., peut-être qu'ils veulent nous attaquer, donc lui les infos qui prend, elles sont toutes pourries quoi. Bah ouais, donc encore une fois. Alors, E.T., qu'est-ce que t'as vu? Alors, ils ont des gugus en plastique. Alors, il y en a trois sortes. Il y en a un qui a l'air de venir d'un univers médiéval. Et alors là, c'est le lendemain. Il va à l'école, Elliot. Et ouais. C'est Elliot, c'est ça qui s'appelle. Ouais. Et là, on apprend un truc qui sort totalement nulle part. Mais ouais, maintenant, ouais, ouais, E.T. et Elliot sont connecté. Alors oui, ça c'est ouais. Ça faut nous. Bah, alors il faut savoir ça c'est cool. Non mais justement ça, il faut savoir on a vu au début que déjà les E.T. sont connectés entre eux puisqu'ils s'envoient des SMS en fait via leur corps directement parce qu'ils ont un cœur qui ouais. Une espèce de cœur qui s'illumine pour annoncer le danger. Ouais. Ah, c'est pour le danger, scène. J'avais pas compris, je pensais que c'était. Ouais. Quand... C'est pas que pour le danger, parce qu'à la fin. Il... Ouais, ouais, moi, je pense que cette lumière rouge, là, c'était vraiment juste pour faire du merchandising, quoi. C'était vraiment juste pour faire une peluche E.T. moche, mais non, au moins, il y a une lampe à l'intérieur. Comme celle-là, elle est plus chère, parce que tu peux avoir la peluche E.T. où il n'y a pas la lumière, celle-là. Peluche E.T., ça fait E.T. Et alors, E.T., il se réveille, alors c'est. Elliot, il est déjà à l'école, et E.T. se réveille genre une heure plus tard, tu sais, genre, ouais, bah moi je vais faire la grasse mat. Alors là, et il a mode, déjà ouais. Une chemise. Non mais genre, c'est The Big Lebowski, quoi, tu sais, se balade dans la baraque, bon, tu sais, j'ai bien couvert. Ah, là, mec, tu dois être moment, là, ouais. Genre, deuxième jour d'expédition, au rapport. Tu sais, normalement, il doit tout noter. Là, il est en mode débranle et tout, il se met une chemise Trunks à l'américaine. Ouais, ouais, ouais. Là, il faut savoir que là, c'est le moment où on bascule, enfin, où E.T. bascule en mode parasite. C'est-à-dire que le mec, il fait que se débranler, il fait que vider le frigo et rien foutre de ses journées. Ah bah, ça va vite, hein. Ouais. Ça, franchement, cette civilisation, j'ai du mal à croire qu'ils font de l'exploration spatiale, quoi. Il est depuis un jour sur la planète, il met une chemise, il se débranle et après, il regarde la télé. Il faut rien, ça. Alors qu'il pourrait trouver du boulot. Il pourrait chercher du boulot. En plus, ouais. Il pourrait chercher du boulot chez Monsanto parce qu'il a la main verte. Hein. Il fait pousser les plantes. Hein. Et alors là, le coup de la connexion, c'est vraiment pratique parce que ça va permettre de faire des farces à gogo. Ouais, c'est vraiment pratique, mais encore une fois, je trouve ça vraiment nul parce qu'il n'y a aucune explication là-dessus. Pourquoi un môme serait. Mais moi, au début, j'avais pas compris. Quand à un moment où Elliot à l'école, il est bourré. Ouais, il est bourré, ouais. C'est parce que parce qu'il boit, E.T., il boit ouais. En ce moment à la maison. Ouais. Ouais. Ah, mais surtout, ça sert à quoi de se connecter avec un humain? Enfin, tu vois, je veux dire. Mais c'est parce qu'ils sont devenus amis. Mais oui, mais surtout, tu vois, à la limite, si t'es en exploration, tu prends pas le premier qui passe, tu vas un peu observer, genre, non, lequel je pourrais mais prendre. Non, mais il y a eu un feeling tout de suite. Mais voilà. Toi, t'es toujours sur l'apparence, c'est le cœur. Non, mais surtout, il y a un truc, c'est tu viens d'arriver sur une planète que tu connais pas, t'as pas du tout de considération de ah ouais, non, mais aujourd'hui, Elliot, il doit aller à l'école, donc je vais rester discret, je partirai une heure après, ensuite, je vais essayer de pas trop faire de bordel. Il faut pas que la daronne me grille. Ouais. Et surtout, ils s'en bat les couilles de tout ça. Surtout, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont connectés, c'est-à-dire qu'au moment où E.T., enfin, E.T. boit de la bière, Elliot rote, mais heureusement qu'E.T. a pas une gastro. comment il ferait Elliot en jour. J'avoue, il réagit très mal à la bière. Non, mais surtout, alors déjà, la première question, c'est comment, avec ses trois doigts de merde, il arrive à ouvrir des canettes. Ouais, justement, ah, bah ça, pour ouvrir des canettes, ça y arrive. Surtout qu'on voit pas à ce moment-là, parce que tu vois, il prend la bière, après t'as un cut, et t'entends. Non, mais c'est pas possible, quoi. Moi, ce qui m'aurait fait marrer, c'est que la daronne rentre et qu'il soit vraiment sur le canapé avec ses grave. Chips et sa bière. Mais surtout. Ah, t'es déjà là. L'alcool, c'est une sorte de poison, tu vois, ça qu'est-ce doit diminuer ses capacités. Ton réflexe quand tu bois de l'alcool et que tu connais pas, tu veux. Quand t'es un extraterrestre, c'est pas tiens, bah vas-y, je vais m'en prendre une deuxième pour bien me débranler. Ouais, non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que Kitty, il a déjà tout intégré. C'est comme s'il avait intégré tous les êtres humains et la société humaine, sauf qu'en fait, bah, quand t'arrives de l'autre côté, bah, t'en sais rien, quoi. Tu vas pas faire ouais. Genre, tu vas pas éviter ouais. La daronne, tu vas pas te planquer, tu vas pas bouffer la même ou le même mais truc que les gens. Il et a tout compris. Oui, ah oui. Et dernier point de connexion. Alors, il faut savoir que de l'autre côté, Elliot, on sait pas pourquoi, mais il va libérer les grenouilles. Ça, c'est vraiment très important. Oui. Ouais, c'est vraiment non, mais chiant. Mais déjà, il dissèque des grenouilles à 10 ans. Ça, pour le coup, j'ai trouvé ça un peu hardcore, quoi. Bah, tu sais, nous, on nous a fait. T'as jamais disséqué les grenouilles, toi. Bah, mais t'es au lycée. Non, moi je l'ai fait en quatrième, je crois. Moi... J'avais 10 ans en quatrième, je sais pas. En Normandie, c'est bah, moi, différent, je sais pas, mais. Moi au lycée, je disséquais des chiens. mais non, ça c'était sur ton temps libre. Ouais. C'était mon hobby, c'était ma passion à l'époque. Ah, je cherchais terre en plus. Et à un moment, E.T. il va regarder une scène à la télévision, parce qu'évidemment oui, il s'est mis bizarre. À la télé. Et il regarde un film en noir et blanc avec une porte qui claque et un espèce de baiser langoureux, genre comme d'hab, la référence à un vieux film des années 40 que personne ne connaît à part Spielberg. Si Julie l'aurait reconnu. Et du coup, en parallèle. Une anecdote, c'est un faux film en fait. C'est pas un vrai film. Ça a été retourné pour le E.T. Mais non, ça c'était un autre film. Non, celui-là aussi. Non, c'était dans je vais trouver la peau. Non, je crois pas. Et en parallèle, Elliot, et lui à l'école, il va revivre la même scène en embrassant une amie à lui. Mais la une question. Camarade de classe. Une camarade, une gentille fille de sa classe. La question, c'est s'il est connecté à Elliot, ça veut dire qu'il est connecté genre à la troisième personne avec le même angle que le film. Ouais, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Pourquoi il reproduirait un truc de mise en scène avec la même angle de caméra, c'est-à-dire sachant qu'il est lui-même Elliot. Ce que E.T. regarde, l'autre va le revivre. Tu vois, ouais. Heureusement qu'il regardait pas genre les news ou une tuerie, tu vois, ou un film de cul, ou un film de zombie, quoi. Tu vois. Parce que là, franchement, c'était carnage, quoi. Et les grenouilles, ils les auraient pas laissé partir. Hein. Là, je vais vraiment. C'est la seule fois où je vais vraiment rire pendant ce film. Mais j'ai éclaté de rire, il se prend la porte du frigo et il tombe comme une merde. Et ça, j'avoue que ça m'a fait rire. Ouais, c'est marrant. Ouais. Alors, faut savoir que il commence à progresser il commence à apprendre le langage des humains parce que c'est là où il commence à comprendre téléphone, machin. Et il finit une grille de mots croisés d'ailleurs. Non, à un moment donné, je crois. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu le seul mot qu'il va apprendre, téléphone, quoi. Non, mais il en a aussi, quand même. Il en a home. Ouais. Mais t'as vu quand même la... Bah, c'est pareil que ça a été coupé au montage, mais la séquence où il fait les chiffres et les lettres sur le plateau. Et cette semaine, nous recevons E.T. En trois lettres. Consonne. Le compte est bon. Et alors là, c'est Halloween. Alors, coup de chance, hein. Ça, c'est toujours pareil, quoi. Ouais. Il est là depuis deux jours, boum, c'est déjà Halloween. Donc là, on va pouvoir le faire se balader dans la rue. On va surtout pouvoir faire des références. Ah, Star Wars. Je ne parlerai pas. Et là, donc, du coup, on emmène E.T. en teuf. Même Yoda, il est moins crados que lui. Et là, Daronne, je l'ai trouvé un peu triste. Genre, elle se déguise toute seule en tenue un peu sexy. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Elle est déguisée en chat sexy, c'est un peu bizarre. Hein, c'est un peu bizarre. C'est un peu chelou. Ouais. Toute seule avec sa cravache à la maison, tu fais OK. À mon avis, la Daronne, on nous dit pas tout de suite. Mais... c'est vrai, c'est Daronne, c'est bavard, c'est pas pour rien. C'est peut-être pour ça que les enfants ont beaucoup de liberté. C'est pour ça qu'elle est bien contente. Tiens, bah ouais, va dormir dehors, Elliot. Maman, elle est toute seule dans la maison. Allez jouer pour Halloween, ne rentrez pas tout de suite. Hein. Maman, pourquoi t'es suspendue au plafond? Ah mais chérie, bah attendez, je me décroche. Et donc ils vont se balader avec le machin et ça doit être super gonflant parce qu'en plus il va vraiment à deux à l'heure, quoi, tu vois. Et ouais. Bah, tu es obligé de te le trimballer. Moi franchement, t'as une soirée dans l'année, ce qui est cool c'est Halloween, tu vas te trimballer l'extraterrestre qui est de temps, c'est tout. Mais attends, il faut des soirées poker. Mais surtout pourquoi tu vas dans la rue où il y a tout le monde? Bah si tu dois faire un truc avec lui, il va le faire dans ton jardin où il y a personne. Ouais, mais là attends, c'est la bonne occasion, tu peux le cacher. Enfin ceci dit, certes ils sont déçus parce qu'il marche très lentement et c'est pas pratique, mais il a quand même il a quand même la lumière cigare intégré, parce que ça ils viennent de le découvrir. Ouais. En fait, avec son doigt, il y a le bout rouge et puis il peut guérir les blessures. Ça, c'est pas plus besoin d'aller à la pharmacie. C'est de blesse. Et ensuite vient la scène du vélo, c'est-à-dire qu'il doit rentrer, il est tout seul avec E.T. Non, mais là, c'est génial. Et il le met dans le porte-bagages. Alors, là, pour le coup, je trouve que la taille d'E.T., elle change un peu. Parce que des fois, dans film, il est genre un peu massif dans la scène où il est tout seul dans la cuisine. Genre, il est un peu fat, il met une chemise et tout. Là, il tient dans un petit porte-bagages Trunks avec un drap dessus, quoi. Donc, non, là, alors, à l'origine, ils avaient tourné cette scène avec un Philippe, mais il n'arrivait pas à le trouver. Il était trop lourd. Tu mets 17 kilos dans le panier avant, je préfère te dire que tu le diriges pas aussi bien le vélo. Hein. Surtout si l'autre, il bouge et puis qu'il fait. Et alors là, le vélo. Il s'envole. Oh, mais ça c'est génial, vous avez pas un peu eu des cœurs dans les yeux? Non, moi franchement non. Bah si, alors déjà moi j'ai halluciné, j'avais jamais vu une lune aussi grosse de ma vie. Visiblement, E.T. a le pouvoir de rapprocher la lune, et surtout à la place du gamin. Genre le gamin il est tout content, mais tu te dis non, mais qu'est-ce qui se passe si le E.T. il tombe? Ouais. Genre il tombe du vélo, bah tu tombes, bah t'es dead. Heureusement qu'il est pas narcoleptique. Non mais ce qu'il y a c'est que là tu vois. Ah tiens, j'ai surestimé mes pouvoirs, j'en ai plus. On a encore un exemple, c'est-à-dire que E.T. pendant tout le long du film il fait rien du tout. Mais rien du tout. Et là tout d'un coup il fait un truc de ouf où il prend un véhicule qui fait voler et qui dirige tout seul. C'est-à-dire que d'un coup il fait plein de trucs. Et pourquoi il fait jamais rien le reste du temps quoi? Elliot continue à pédaler, ça c'est très important. T'arrêtes pas de pédaler Elliot, parce que sinon on va s'écraser. Et surtout moi le truc. Imagine. La deuxième fois que tous les vélos volent, et ben il y en a qui s'arrêtent de pédaler. J'ai regardé. Oui, parce qu'après, après, on va se rendre compte qu'il peut faire voler d'autres trucs. Mais à un moment, et moi aussi, je me suis posé la question. E.T. est dans le porte-bagages, le vélo il s'envole. Mais qu'est-ce qui te dit que là, il a pas prévu de retourner sur sa planète? T'es dans la merde. Ah, voilà. J'y ai pensé. Tu sais, il commence à décoller. Puis il fait. Attends, mais E.T., on fait quoi là? On peut pas redescendre là? Attends, mais on va où là? Mais donc. Non, mais à partir de ce moment-là, ça remet quand même tout le film en question, parce que à ce moment-là, plutôt que de suivre tous les Skittles au début, pourquoi tu les fais pas voler à toi, quoi, tu vois? En fait, en même temps, au bout d'un moment, ça n'a plus aucun intérêt, quoi. Et là, le E.T., il a vraiment une putain d'invention, parce qu'il a fabriqué un truc pour communiquer avec sa planète. Avec sa dictée magique. C'est un peu le MacGyver de la dictée magique. Il a hacké la dictée magique, une boîte de conserve, un truc. Il a hacké le chip, là. C'est au moins du 2 bits. Hein. Pour aller dans l'intersidéral. Ça fait un émetteur. Et là, ma question, c'est qu'est-ce que tu vas dire aux Manos qui, de toute façon, t'ont laissé là? Ils savent très bien que t'es là et ils savent très bien où t'es. Tu retournes au point où ils t'ont laissé pour envoyer un signal. Bah, tu leur dis quoi? Où je suis là? Bah, on sait très bien puisqu'on t'a laissé là, connard. Ouais. Tant de vulgarité. Pour un simple extraterrestre, il est pourtant si mignon. Et en plus, ses potes, enfin les potes d'E.T. là, en vrai c'est des bâtards, tu sais, ils font bon allez on y va, on décolle et tout. Tu sais, genre lui E.T. il est tout seul, il doit trop se galérer. Et quand il revient, ils font le bouffon il est pote avec un enfant. Non mais moi j'ai vu le message. C'est revenez, il y a de la pierre. Et donc du coup il essaye d'envoyer son petit message. Il faut qu'on rentre à la maison, E.T. Laisse-leur un peu de temps pour répondre. Tu sais, tu pourrais être heureux ici. Je m'occuperai de toi. Je ne laisserai personne te faire de mal. On pourrait grandir ensemble, E.T. Ah, c'est pas un peu exagéré quoi? E.T., je te jure, on fera des enfants, on va se marier. E.T., je t'en supplie. On va grandir ensemble. Non mais moi j'ai déjà 100 ans, je suis déjà adulte, hein, tu vois. Non mais il me reste 2 ans à vivre, la gamin. Bah, il grandit du coup. Et non mais surtout, je dirais. Il s'attache en 2 jours au truc, on grandira ensemble, mais ça veut dire. Surtout qu'ils vivent rien, de toute façon. En vrai, qu'est-ce qui fait qu'ils s'attachent? Qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment? Il y a zéro. Il n'y a même pas un montage complicité, en fait, quoi. Genre, on rigole avec E.T., on rigole, on pousse dans l'escalier, ils tombent et tout ça, des trucs marrants, quoi. Non, ils vivent rien ensemble. Non, mais ouais, c'est vrai, parce que les meilleurs moments d'E.T., c'est quand il est tout seul dans la baraque. C'est vrai. Ils vivent strictement rien, à part le vélo, quoi. Ouais, bon, voilà. Et encore, c'est lui qui mène la baraque tout seul. C'est pas vraiment partager le truc, quoi. Genre, moi, je vais faire décoller les vélos. C'est E.T. qui pilote. Bon, vas-y, je me fais chier. Je vais prendre le vélo, là. Bon, alors là, il y a un gros coup. C'est-à-dire que, bah, lui, il envoie son message dicté magique, bizarrement. Moi, je remets en doute quand même la puissance et le chip et le hacking du chip de la dictée magique, parce que peut-être qu'il a juste chippé. T'as vu, t'as le fil Ethernet qui part depuis la maison. Ouais, mais enfin, bon, pour traverser la galaxie, quand même, avec un câble téléphone, si on pouvait le faire en 80, on le saurait, quoi. Bon, bah, du coup, il arrive quoi? Non, mais c'est un truc d'électronicien, de chirurgien, là. Comment, avec ses trois doigts dégueux, il arrive à faire ça? Non, mais ça, c'est sûr et certain. Ah, il est bricoleur. Oh, il est bricoleur. Il a mis 4 ans. Hein, en tout cas, avec ses muqueuses, là, il peut faire des soudures, ça, c'est sûr. Je veux dire que ça colle bien, puis c'est conducteur. Et, bah, du coup, bah, ses potes, ils arrivent pas. Ouais, ses potes, ils s'en battent les couilles. Là, il y a un cut. Le môme, il se réveille tout seul. Ouais. E.T. il est pas là. Tout seul dans la forêt. Alors déjà, tu vas vraiment être malade, hein, gamin. Ouais. Le môme rentre. Et après, il repart chercher E.T. parce qu'il se rend compte qu'il est pas à la maison. Je vois pas pourquoi il serait rentré à la maison. Il remonte. Et en fait, il était à deux pas de là où ils étaient avant. Sauf qu'il a le nez dans le ruisseau. T'as l'impression. Et il est tout blanc. On a l'impression qu'il a une méga mycose, tu vois. Ah non, mais il a vraiment une mycose 2000. On a l'impression qu'il s'est pris la gueule d'œuf de l'enfer et qu'il est tombé du pont. Il s'est ramassé dans le ruisseau. Il a pas bougé. Maison, appel. Genre, il a compris qu'il rentrerait pas sur sa planète. Du coup, il a vraiment décidé de tout se mettre. Et là, il finit dans la rivière, et là, il est effectivement tout asséché. Mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est-à-dire, comment ils se sont paumés, en fait? Parce qu'il n'y a pas eu de flash, il n'y a rien eu, tu vois. Au bout d'un moment, E.T. et le môme, ils se paument. Pourquoi? Voilà, répondez-moi maintenant. Répondez-moi. Ah, mais il a fait une lascuite. Ça m'a fait penser à ça. Bah, ouais. Il s'est mis une débranle, quoi. C'est une grosse débranle, la caraton laveur, visiblement. Bon, et alors là, ils vont montrer à la daronne. Ils sont obligés parce que là il est malade, donc là Elliot il est sans recours. Puisque avant, quand il y a quelqu'un de malade, on demande à E.T. de le soigner. Bah, là c'est E.T. qui est malade, donc ça d'ailleurs, marche plus. En parlant de ça, il y a une scène qui m'a fait rire parce qu'en fait, du coup, il la cache à la daronne évidemment pendant tout le film. Et il y a une scène où à un moment la daronne elle rentre dans la chambre en fait, puis E.T. il se planque au milieu des pluches. Ouais. Et donc, c'est une scène qui est mythique. Et la daronne elle se dit pas, tiens, c'est bizarre, je l'avais jamais vu cette pluche d'E.T. Il est bien ce film quand même. Et là, il montre à la daronne. La daronne, je trouve qu'elle le prend assez bien, mais de toute façon, on n'a pas le temps. Elle, puisque... elle a trop peur. Elle prend ses enfants, genre. Non, mais c'est ça qui pue depuis une semaine. Oh, je suis rassuré. Je pensais qu'il y avait un truc mort. Je pensais que c'était les remontées, les égouts. J'allais appeler le premier. Ah, c'est votre merde, là, dis donc. Et alors là, par contre, ça monte en tour assez rapidement. Parce que ça vire chocolat, il y a les astronautes en zombies qui arrivent. C'est ça, c'est pareil, quoi. Ouais. Alors, les spationautes, ils peuvent arriver, genre toc toc, ding dong, attention, évacuation, ils arrivent genre, en marchant à 2 à l'heure sans parler, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils viennent en costume avec le truc sur la tête de la NASA, quoi, tu vois, au bout d'un moment, ça sert à rien. C'est juste cette première scène. Après, ils vont les enlever. En même temps, là, pour le coup, c'est vraiment des trucs en carton, quoi, des costumes en carton. Tu vois que les deux tuyaux derrière. Non, mais non seulement c'est en carton, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent dans la baraque déguisés à 2 à l'heure en mode zombie? Quoi. Ça n'a strictement aucun putain de sens. C'était Halloween. Mais non, c'est fini Halloween. Attendez, parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris non plus. Pourquoi est-ce qu'E.T. est malade? Enfin, moi je veux bien qu'il ait chopé une grippe s'il a la gueule dans le ruisseau, mais sinon on sait pas pourquoi il est malade. Bah parce qu'il a bu l'eau de la rivière qui est polluée, parce que les êtres humains ne font pas attention à ce qu'ils déversent dans leurs eaux usées. Il y avait un truc écologique que j'avais pas vu. Bah oui, et ça empoisonne E.T. En même temps, sa civilisation, si ça les fait crever, doivent pas être bien solides. Hein. En même temps, ils utilisent des engrais, alors qu'E.T. fait juste pousser ses plantes avec ses doigts, donc du coup, ils auraient pu. Là, ensuite, il y a un interrogatoire qui est extrêmement random, c'est-à-dire qu'il pose des questions. Quel âge as-tu? Depuis quand as-tu cet extraterrestre? Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Genre, ça n'a aucun sens, ils prennent même pas de notes, enfin, rien du tout ça. C'est-à-dire que, genre, ils font une investigation, mais genre, toutes les données qu'on récupère, bah, on regarde aucune trace. C'est-à-dire que non seulement on note pas, on n'enregistre pas, on fait rien. Donc c'est-à-dire qu'on est susceptible de te reposer les mêmes questions dans une minute. Et ça sera un autre gars qui connaîtra pas les réponses. Christophe, vous avez le rapport sur ce qu'a dit l'enfant après le... Tout est là-dedans, coco. Tout est dans ma tête. Il a dit quoi? Mais je sais plus bien, mais là. Il a dit ça fait une semaine qu'il lâche pas. Une semaine ou deux jours? Bah, entre les deux, je pense, je me souviens plus bien, mais... Bon, alors, pas de chance, ça crée des trucs marrants quand il y a un extraterrestre qui fait des trucs rigolos. Par contre, quand il est en train de claquer, bah, c'est beaucoup moins drôle parce que le homme, il est en train de claquer aussi. Ouais. Et alors ça, c'est le premier truc qu'il découvre. Activité cérébrale synchronisée. Parce que c'est vrai qu'on a des machines pour étudier ça. Mais là, c'est le premier truc qu'on regarde, hein, tu vois, que généralement, quand il y a un extraterrestre. Absolument. Vous êtes sur des détails, franchement. Non mais là, et d'un autre côté, tu découvres... Bah le fait qu'ils sont en plastique, par détail, excuse-moi. Tu découvres pourquoi ils sont connectés. Bah je sais pas, bon bah point médecine sur E.T. aussi, moi j'ai écrit ça, parce qu'à un moment, on soigne cet extraterrestre que personne ne connaît comme un être humain, quoi. Limite, à un moment, il lui fait du bouche à bouche, et tu vois, il fait vite PLS. Ouais, faut faire du bouche à bouche, non, moi j'y vais pas, c'est dégueulasse ce truc-là. Oh, mais il pue en plus. C'est pareil, non mais coup de chance, parce que autant on est très très différent du E.T., autant tu trouves, t'as trouvé. Ouais. Mais autant intérieurement, il s'est fait pareil quoi, parce qu'il y a un cœur et tout. Bon après, je n'ose pas imaginer comment est à l'intérieur c'est de l'ETI, parce que vu comment est l'extérieur, ça doit pas être Jojo non plus. C'est à dire que toutes les machines qu'on peut brancher sur un être humain pour regarder quelque chose, ça marche sur ETI. C'est à dire, tu sais, il a un rythme cardiaque, il a tout pareil quoi. Et alors là, malheureusement, il faut le dire, il va mourir. Voilà. Il va mourir. Vous avez même pas pleuré ? Non, bah non. Bah moi je l'ai regardé avec Greg, donc nous deux on était là genre oh putain il reste combien de temps encore. Et là évidemment quand il meurt, bah on demande à tout le monde, c'est-à-dire toute la CIA, les Men in Black et tout, d'évacuer la maison pour que l'enfant fasse son deuil. Ça ressemble vraiment aux autorités américaines. Non mais surtout que E.T. meurt pour sauver Elliot, et là t'as Elliot qui enlève toutes ses électrodes machin, et plus personne n'en a rien à foutre de sa gueule. Ouais, lui en fait tout le long, après à chaque fois quand dans cette scène, il fait un peu ce qu'il veut, il va où il veut. Grave. C'est ultra sécure, mais lui bah il passe et puis tout le monde se dit ouais c'est bon, c'est le bon qui passe. Comme avec sa mère, hein, il s'en occupe pas. En fait c'est lui qui a des super pouvoirs. En fait c'est lui qui est trop fort. Et alors là, vous n'allez pas y croire, mais il suffit de l'amitié d'un enfant de 7 ans pour ressusciter un extraterrestre de plastique. Exactement. Téléphone maison. Alors ça veut dire qu'ils vont venir? On est en train de le perdre là. Téléphone maison. Ça s'arrête jamais, hein. Il fait ouais. Téléphone maison. Mais en gros, il l'a ressuscité pour. Il est à la fois hyper intelligent. Parce que... Alors ils vont venir te chercher. C'est le jeu thème qui ressuscite E.T. Ça c'est beau. Ouais, ça c'est beau, mais après quand tu ressuscites un truc et puis finalement qu'il te casse les reins à dire téléphone, parce que ça c'est censé être l'élite de la société, le E.T. Hein. Il est con comme un boulon, hein. Con comme un boulon quoi. Il a une maison. Mais alors, mais pourquoi? Apparemment, tu parles notre langage. Pourquoi tu répètes ces deux mots comme un con? Sachant qu'on t'a dit qu'il y avait des manos qui pensent que t'es mort, donc il faut vraiment que tu fermes ta tronche, quoi. Et lui, il s'arrête pas. Donc, bon. Moi, alors, j'aimerais faire un mini point. Dans cet extrait sonore, on entend E.T. Veux-tu te taire? C'est dans le doublage des années 80. Ça disparaît après dans les années 90. Alors aujourd'hui, on n'en a plus du tout. Ouais. C'est l'époque où on traduisait correctement les films et on les doublait correctement. C'est-à-dire qu'on fait vraiment la forme interrogative avec le verbe en premier. Ouais, aujourd'hui, dans des films d'aujourd'hui, t'entendrais « Tu veux pas te taire, non ?» Tu sais, enfin, ce serait vraiment doublé comme de la télé-réalité de merde. Et en vrai, je trouve que ça s'est perdu. Le « Veux-tu te taire ?» Ouais. Bah, selon moi, c'est une très mauvaise adaptation. Le mec, il a pas fait son boulot. Il y a aucun môme qui dit « Veux-tu te taire ?» En fait, il y a plus aucun môme qui le dit parce que à la télé, maintenant, on le change et on l'écrit de manière parlée. Alors, mais en vrai, on va rentrer dans un débat, là. Hein. Ouais. Moi, je trouve ça bien. Et regardez les Amicalement Vôtre et toutes ces séries des années 70. C'est pas pareil, c'est bien écrit. Bah, ils font toutes les questions à la forme interrogative. Et ils sont censés être bourges. Lui, c'est un môme qui est hyper mal élevé. C'est normal. C'est pas normal qu'il dise ça. Bon, bref. Peu importe. Alléluia, Christ est ressuscité, E.T. est vivant. Ouais, moi j'ai même cru que le gamin, tu sais, quand il fait veux-tu te taire et tout, à un moment il fasse bon, laisse tomber, t'es trop con. Allez, je ferme le sarcophage, il est vivant, les gars, vous pouvez le disséquer. Et d'ailleurs, le sarcophage est complètement adapté à la taille d'E.T. Ouais, parce qu'ils en avaient prévu 2-3 d'avance, le sarco. Et alors là, ils vont c'est partir. C'est vrai que tu parles Alléluia et qui est ressuscité. J'ai souvent lu dans les commentaires que c'était une référence à la Bible. Alors il y en a qui croient, enfin qui bah, se rapprochent. Bah, putain, si Jésus ressemblait à ça, je peux te dire qu'il aurait pas vécu 33 ans. Hein. Détrompe-toi, parce qu'avant de mourir, il y a la scène. Tu bouffes avec la famille. Tu bouffes des pizzas. Et alors là, ils partent en van, ils s'échappent avec le E.T. Bon, ça c'est totalement possible, mais bon, c'est un film pour enfants, donc à la limite. Mm-hmm. Après, il y a une poursuite à vélo. Ouais, qui est très pratique parce qu'ils mettent tous une casquette, une cagoule, enfin des coiffes. Ouais. Comme ça, il y a des cascadeurs de 30 ans qui pourront faire les méga cascades à vélo et on n'aura pas besoin de se faire trop chier quoi. C'est le gang des bicyclettes quoi. Ouais. Prenez tous vos bicyclettes. Ouais. Bon, ça, à la limite, ça c'est très cool. Marrant, enfin, ça, gamin, ouais, c'est... moi j'aimais bien le vélo. Ouais, mais t'aurais dit vélo, pas bicyclette. Prends donc ta bicyclette, mon petit Antoine. Mon cyclopède. Et puis ça va pas juste faire du vélo. Au bout d'un moment, bah, tout le monde décolle au premier barrage quoi. Ouais. Premier barrage de flics. On va pas faire décoller tout de suite. On va faire décoller. Mais E.T. il a mis du temps à comprendre qu'ils étaient poursuivis. Ah ouais, il fait. joue pas là, allez décollage. Il passe par un terrain de cross et tout, et au bout d'un quart d'heure, t'as Elliot qui dit à Iti, accroche-toi. Oui, parce que depuis tout à l'heure. C'est... Puis c'est Elliot qui décide si on décolle. Quoi. Et là justement, il se passe le coucher de soleil le plus rapide de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qu'au moment où il décolle, il fait le soleil est au zénith. Au moment où ils sont en vol à leur vitesse, ouais, alors vol stationnaire là, c'est gros coucher de soleil avec énorme soleil qui descend. Et au moment où ils atterrissent, c'est-à-dire parce qu'ils ont quand même fait 400 mètres, parce que forcément l'autre il habite à côté du KGB, et là où il est arrivé, c'était à 400 mètres. En 400 mètres, et là c'est la nuit noire. Et là, plus personne n'est foutu de les retrouver, alors que la vitesse à laquelle ils vont, c'est quand même une vitesse de vélo, quoi. Ouais. Tu sais que tu fais l'Alpe d'Huez en 20 minutes avec Iti. C'est pratique. Hein. Sachant qu'en plus, quand il commence à monter dans la forêt, là, il fait encore plein jour, quoi. Donc, bon. Et alors là, ils arrivent au lieu où on avait perdu Iti au début. Ouais. La soucoupe volante qui descend, personne ne la voit, plus personne se pointe, là, c'est bon. Il y a juste la daronne qui sait où elle est, mais alors, les autorités, elles vont arrêter. Il y a le mec. Oui, non, mais les autorités, elles sont plus là, quoi. Alors qu'en vrai, eux, ils sont sur les dents, il y a des hélicos partout. Enfin, oui. Mais non, je pense que tout le monde est subjugué par. Autant d'amour, ils font, bon, allez, on va les laisser tranquilles dans la forêt. et là, il y a effectivement la scène du câlin final. Dégueu. Plein de mucus. Ah, mon pull, c'est dégueu. Et là, il y a un truc, j'ai trouvé ça super exagéré. Il dit à E.T., stay, genre, reste, s'il te plaît. Et E.T. lui fait, non, mais t'as qu'à venir, comme. Mais tu vas faire quoi dans la soucoupe des E.T. Mais tu vas crever en deux secondes. Ah, moi j'ai pas. Et puis surtout, tu dois vite te faire chier, à mon avis. Parce que t'en as 14 comme ça dans un vaisseau spatial. Putain, non, mais encore dans le vaisseau, mais après t'arrives sur la planète, imagine, il n'y a que ça, quoi, tu vois. Bon, ce qui est bien, c'est que tu peux vite prétendre gagner les Jeux Olympiques la planète, quoi. Non, mais sachant qu'en plus, même si t'arrives et que même si E.T. est sympa avec toi, c'est pas dit qu'ils vont pas te disséquer dès que t'arrives, hein, parce que. Ouais. Ah, un extraterrestre. Ce qui m'a fait mourir derrière, c'est que j'imaginais, en fait, je sais pas si vous avez vu sur la dernière scène, donc du coup, il quitte le gamin et il rentre il rentre dans sa soucoupe. Ouais. Vous avez vu avec quoi il part? Avec deux packs de bière. D'accord. Non, mais surtout, il part avec le pot de fleurs. Oui, c'était une blague. Ah, pardon. Il y a l'espèce de rampe de la soucoupe qui s'abaisse et tout pour que E.T. remonte. Mais pareil, il met trois quarts d'heure à remonter, quoi. Ah, putain pour une sortie magistrale, s'il te plaît. On vient de se dire au revoir, on pleure, et là il part à un à l'heure, quoi. franchement, c'est comme si tu fais le au revoir le plus poignant et tout avec la femme de ta vie et machin, et là tu pars en marche arrière en faisant des tout petits pas. Pas de fourmis. Bon bah pars, on s'est fait adieu là, on a l'air méga con là, tu vois. Mais tu veux pas que je te porte, sinon ça sera peut-être plus rapide. Hein. Je te fous dans le machin. Je t'envoie, quoi. Moi j'ai même cru genre les mecs dans la soucoupe ils font. Bah, il est vraiment trop lent, vas-y, on repart sans lui. Quelqu'un d'autre a un avis sur ce film? Chouette. Bah ouais, faudrait refaire un E.T., mais en vrai, tu peux faire un bon E.T., mais là... Ça a été déjà fait, hein. Ça s'appelle Alien. Ouais, c'est vrai. Ah bah non, mais ça fait peur. E.T., c'est un peu le seul extraterrestre gentil. Et Alf, ouais. Alf, c'est un gros dégueulasse. Alf, il est plus cool. Hein. Franchement, moi, je préfère vivre avec Alf qu'avec E.T. Hein. Mais franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé un épisode de Alf, mais je crois que c'est l'enfer aussi. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, j'ai 8 commentaires 5 étoiles. Ils sont tous relativement courts. On commence avec Kefera, qui le dit... Ouais, ça va, 5 étoiles. Elle t'a inspiré. Hein. Shelley Bellegates qui nous dit « Un film culte, ce petit extraterrestre qui débarque sur la Terre et qui sait dire téléphone maison avec son doigt illuminé. Un très grand film de Maître Spielberg, 5 étoiles. » C'est une pas foulé, lui. Hein. Une visiteuse qui nous dit « C'est un film génial. » Oh, mon seul regret. Vu qu'Iti est connu tous, bah, dans les mots croisés, on l'aperçoit sans cesse sous la définition d'extraterrestre sympathique. 5 étoiles. Ensuite, on a Séverine Angoisse. C'est son vrai nom ou pas? Ou c'est toi qui l'as rajouté? Bah, tu vas voir. Ok, c'est pas son vrai nom. Ayant toujours eu auparavant une énorme phobie pour ce film. Ça, je peux comprendre. Je l'ai visionné pour la première fois en entier il y a 2 ans. Avec une boule au ventre. Elle a mis 2 ans à écrire ce commentaire. J'avais enfin perdu cette peur envers ce E.T. qui avait traumatisé mon enfance. J'ai pu apprécier ce film. Un pur chef-d'œuvre, 5 étoiles. Alors, ensuite... Ah, la peur du plastique. C'est écrit en quelle année, ça? 2014. J'ai pas la date, mais c'est dommage, parce que... 2007. 2007. Ouais, 6 juin. Elle a mis le temps quand même pour le regarder. Oui. Ensuite, il y a Jean-Luc. C'est 8 ans de thérapie hein, pour regarder ici. Ensuite, on a Jean-Luc Redondant qui nous dit Steven Spielberg réalise avec E.T. l'un de ses meilleurs films. E.T. est un grand film, culte à voir absolument. Ce film est un chef-d'œuvre. C'est un film à voir absolument. Ce film est un excellent divertissement. Un chef-d'œuvre de Steven Spielberg. C'est vrai, il a vraiment. À voir. Film culte à voir et à revoir. Bon film dans l'ensemble. Non. 5 étoiles. Énorme. Alors ensuite, on a Didier Bipolaire qui nous dit Spielberg a jugé utile de nous offrir une version anniversaire en tout point légitime du point de vue artistique. Et merde pour les bagels qui s'approprient le travail des autres, ces riches encenseurs d'un travail dont ils sont bien incapables de le réaliser, même de l'imaginer. Cette version est aussi poétique que la primordiale. Le charme opère bien, évidemment. E.T. est toujours aussi choupinet, 5 étoiles. Ensuite, on a Gérard Dyslexique qui nous dit « Il est vraiment touchant et triste à la fin quand il retire. » Et l'extraterrestre... car le gamin et l'extraterrestre, c'est comme si c'était des amis. 5 étoiles. Ouais, ouais. C'est qui est le pote d'extraterrestre? C'est comme si c'était des amis, sauf qu'ils font rien ensemble. Et enfin, on termine avec Jérôme Vraiment, qui nous titre « Eh ben, je pense vraiment que c'est vraiment un très bon DVD. Eh bien, je pense vraiment que c'est vraiment un très bon DVD. Et c'est vraiment pour ça que je voulais vraiment commander 5 étoiles. Ah, c'est la musique. On n'a pas parlé de la musique, mais c'est vrai qu'il sait pas trop casser la tête. Hein. Il a quand même fait. Il a pris Star Wars. Ah ouais, il a pris un bout de tout, quoi. Oh, c'est pas une bonne vidéo. Il y a un moment, t'as une suite de notes qui est vraiment Star Wars, quoi. Non, c'est une très bonne BO, mais c'est juste qu'à un moment, t'as l'étoile noire, quoi. Ouais, souvent, on va dire. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film E.T. Je rappelle que vous pouvez proposer votre film en nous le laissant en commentaire 5 étoiles sur iTunes. Je rappelle aussi les bails du concours 3615 2HDP qui va bientôt s'arrêter maintenant. Ouais, là, donc il faut vous dépêcher si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Comment moi, fait-on je pour que c'est participer? C'est très difficile a priori de. Ouais, j'ai écouté ton extrait, c'est catastrophique. Tu seras pas prise. Mickaël, tu nous rappelles rapidement ce qu'il faut faire. Envoyez-nous un petit extrait sonore de moins d'une minute par mail à 2heuresdeperdu@gmail.com. Nous parlons d'un film ou de cinéma, faites-nous rire et si votre extrait nous fait rire, vous serez peut-être sélectionné pour venir participer peut-être, hein, à une émission avec nous. Un enregistrement. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Lovely Bones de Peter Jackson. Allez, allez à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.